franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénon. Une heure seulement. Il n'a pas fallu attendre plus d'une heure après l'attentat contre le président rwandais Habyarimana pour voir les tueurs envahir les rues de Kigali et commencer à massacrer. Et pour les observateurs les plus lucides, il est évident que le génocide des Tutsis était programmé, déjà organisé, et que l'attaque contre l'avion du chef d'État rwandais a été une sorte de signal invitant les tueurs à passer à l'action. Il est donc essentiel d'essayer de déterminer qui, le 6 avril 1994, a perpétré cet attentat, coup d'envoi d'un massacre qui va faire près d'un million de victimes en peu de semaines. Curieusement, c'est la justice française qui a été chargée de faire la lumière sur ce point, parce qu'en 1997, des familles de l'équipage français du Falcon présidentiel ont porté plainte à Paris. C'est le début d'une instruction judiciaire d'abord chaotique et souvent partiale qui s'est éternisée jusqu'à aujourd'hui, mais qui, enfin, sous l'impulsion d'un magistrat déterminé, pourrait bien déboucher sur la vérité. J'ajoute, avant de donner la parole à M. X, que ce parcours judiciaire a été ponctué de nombreuses tentatives de désinformation et qu'un certain nombre de faits demeurent inexplicables, sinon mystérieux. Enfin, il faut souligner combien la France a été impliquée dans cette histoire rwandaise. Yeah, Pour commencer, je voudrais vous parler d'un triple assassinat qui n'a jamais été élucidé. Deux gendarmes français et l'épouse de l'un d'entre eux ont été tués dans la capitale rwandaise, Kigali, quelques heures après l'attentat contre la viande du président Habyarimana. À noter que c'était la première et la dernière fois que des militaires français étaient assassinés au Rwanda. Et qui pouvaient être les meurtriers alors ? Ah ben, on ne le sait pas. Bien sûr, on a d'abord accusé les rebelles du FPR. Oui, c'est-à-dire l'armée Tutsi de Kagame. Oui, l'actuel président Rwandais. Mais il semble bien plus probable que les assassins aient été des Hutus, c'est-à-dire des soldats de l'armée régulière ou des membres des bandes de tueurs qui avaient commencé les massacres de Tutsi. Mais pourquoi s'en être pris à ces gendarmes français ? Et surtout, y a-t-il un lien avec l'attentat contre l'avion du président Rwandais ? Ah ben, ce sont évidemment les deux questions essentielles. Et la mission qui avait été confiée à ces deux gendarmes permet au moins d'échafauder une hypothèse. Ben, racontez-moi. Ces militaires français étaient établis dans une villa à la fois proche de l'aéroport, du QG, de la garde présidentielle et de la garnison du FPR. L'un d'eux, le gendarme Alain Didot, disposait officiellement d'un matériel d'écoute très performant qui lui permettait de capter les communications échangées alentour. Ouais. Ah oui, alors il aurait pu écouter ou même enregistrer des échanges compromettants entre des personnes impliquées dans l'attentat ? Ah ben, c'est ce qu'on peut imaginer. Dans ce cas, le gendarme aurait été un témoin gênant. Et lui et son collègue auraient été supprimés pour éviter qu'ils ne parlent ou alertent leur hiérarchie. Ouais, mais ce n'est qu'une hypothèse. Bien entendu. Toutefois, la suite permet plus ou moins d'accréditer cette version. Non seulement le ministère public français n'a jamais diligenté d'enquête pour essayer de savoir ce qui s'était passé, mais les autorités militaires ont fermement, mais discrètement, conseillé aux familles des victimes de ne pas porter plainte et même de garder le silence sur l'assassinat de leurs parents. Pas de curiosité déplacée. Oui, c'est ça. Mais comment s'en étonner quand on sait à quel point notre pays a été impliqué dans cette affaire rwandaise ? Alors, bon, je sais bien que je vous ai souvent parlé du Rwanda, mais il me faut quand même vous faire un petit rappel. Jusqu'en 1990, la France ne s'est pas vraiment intéressée au petit Rwanda, une ex-colonie belge. Mais quand le président Habyarimana demande à la France son aide pour lutter contre les rebelles du FPR, l'Élysée voit là une occasion de s'implanter dans l'Est africain et d'agrandir sa sphère d'influence sur le continent. D'autant que le Rwanda est francophone. Et que l'agression, selon le terme consacré, est opérée depuis un pays anglophone, l'Ouganda. Mitterrand réagit donc aussitôt et ordonne l'envoi de parafrançais au Rwanda. C'est ce qu'on va appeler l'opération Norrois. Oui, mais si je me souviens bien, le prétexte est humanitaire. Bah, en principe, oui. Il faut protéger les Français et les Belges. Mais ce prétexte ne fera pas longtemps illusion. Les para-français, presque 600 hommes, sont bien là pour soutenir l'armée rwandaise qui se bat contre les troupes Tutsi du FPR. Paris considère donc qu'il s'agit d'une agression extérieure. Absolument. Pour l'Élysée, qui pilote en direct l'opération Norrois, le Rwanda est attaqué. Et pourtant, ces Tutsis sont aussi des Rwandais hein, qui ont été chassés de chez eux par le racisme Hutu. Oui, mais Paris ne veut pas en tenir compte. Les Hutus sont largement majoritaires dans le pays. Donc, le gouvernement du président Habyarimana est légitime. Quant aux autres, les Tutsis du FPR, les agresseurs, un général français, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du chef d'état-major particulier, du chef de l'État, n'hésitera pas à les traiter de Khmer Noir. Ah, Khmer Noir, oui. Mais est-ce qu'à Paris, on se rend compte que cette intervention militaire de la France peut risquer d'envenimer la situation ? Eh bien non. Or, les para-français sont à peine arrivés sur place que le pouvoir rwandais se livre à une véritable provocation. Il met en scène une fausse attaque de la capitale, Kigali, et il en profite pour organiser une vaste campagne d'arrestation. campagne suivie par de nombreux massacres de civils. Des massacres dont les Français sont témoins ? Et il aurait difficile de les ignorer. Et à Paris même, alors, personne ne tente de s'opposer à l'intervention militaire ? Ah bah pas vraiment, non. Le Rwanda n'intéresse pas grand monde. Et même si les ministres concernés, ceux de la Défense et des Affaires étrangères, ne sont guère enthousiastes à l'idée de voir le contingent français demeurer sur place, cette affaire ressort du domaine réservé du président de la République. Ah ouais, c'est lui seul qui décide, quoi. Exactement. Et on va même renforcer la présence militaire de la France. Mais que font nos soldats au Rwanda, là ? Est-ce qu'ils sont directement impliqués ? Bah, en principe, non. Paris a même exclu toute présence active dans la zone des combats. Mais il y a le principe et la réalité. Qui est ? Bon, on a vu des militaires français piloter des hélicoptères de combat rwandais, mener des actions de reconnaissance en profondeur ou faire la police à Kigali. Mais l'aspect le plus important de cette coopération militaire, c'est la formation. La formation des Rwandais. Hein. L'armée rwandaise, en 1990, ne compte que quelques milliers de soldats pas très motivés et guère entraînés. Paris décide donc de prendre les choses en main. Des officiers instructeurs sont envoyés au Rwanda. Un lieutenant-colonel français, qui était le chef du détachement d'assistance militaire, devient même en 1992 le conseiller du président Habyarimana, et le chef suprême de l'armée rwandaise. Ah, au moins, les choses sont claires. Oui, et dans les faits, ça veut dire que c'est la France qui conduit la guerre contre l'envahisseur, comme on persiste à qualifier le FPA. Naturellement, cette assistance militaire s'accompagne de livraisons d'armes et de matériel. On doit même puiser dans les stocks de l'armée française pour approvisionner les Rwandais. Ouais. Ces livraisons sont-elles officielles ? Certaines le sont, d'autres beaucoup moins. Si bien qu'il est très difficile de chiffrer exactement le montant total de ces livraisons. Comme toujours dans ce genre de conflit, il y a des intermédiaires et des filières plus ou moins clandestines. On a beaucoup parlé de Paul Barrière. L'ex-gendarme du GIGN. Oui, il est devenu le conseiller officieux du président Habyarimana. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que Baril va jouer un rôle très trouble dans l'affaire rwandaise. Bon, là, je vais vite. Hein. Ah ben, pour une fois. Bon, je ne relève même pas. Bien sûr, cette guerre oubliée et secrète se traduit par un véritable désastre humanitaire. Au nord du pays, des centaines de milliers de Hutus fuient leur village, menacés par les Tutsis du FPR. Et ces pauvres gens viennent s'entasser à Kigali. Mais dans le reste du pays, on assiste à de nombreux massacres commis par des groupes extrémistes Hutus. Certains appartenant directement au parti du président Habyarimana. Et ces massacres, sont-ils connus des Français présents sur place ? Comment pourrait-il en être autrement ? Alors, comment expliquer ce qui paraît être l'aveuglement français ? Je ne nie pas que Paris ait à plusieurs reprises semoncé les autorités rwandaises et rappelé Habyarimana au respect des droits de l'homme, mais ça n'a servi à rien. Le président rwandais promettait, mais ne changeait rien. Alors, aveuglement, dites-vous ? Il faut d'abord comprendre que la France était trop compromise. Ouais, impossible de reculer, c'est ça. La fuite en avant, oui. Abandonner le Rwanda, ça aurait été reconnaître que depuis 1990, notre pays faisait fausse route là-bas. Mitterrand pensait pourtant qu'il était le mieux placé pour faire pression sur Habyarimana et l'amener à la table de négociation. Mais négociation, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire aboutir à une représentation plus juste des partis au sein du gouvernement. Et la paix, bien sûr. La négociation s'engage en janvier 1993, en Tanzanie, à Arusha, exactement. Un accord est signé entre le FPR et le gouvernement de Kigali. Mais Habyarimana le remet presque aussitôt en cause, parce qu'il ne veut pas partager le pouvoir avec des Tutsis. Les massacres recommencent aussitôt. La conséquence immédiate, c'est que le FPR, depuis ses bases ougandaises, lance une offensive très musclée dans le nord du pays. Alors, comme d'habitude, Habyarimana fait appel à la France. Et la France qui répond en présente ? C'est évident. Et Mitterrand envoie 150 hommes supplémentaires qui doivent agir en soutien arrière de l'armée rwandaise. Au total, il y a maintenant 700 militaires français là-bas. Et Mitterrand finit par avoir des doutes sur notre engagement au Rwanda. Peut-être, mais que peut-il faire là, se désengager ? Impossible. Pas tout de suite, en tout cas. Parce qu'on peut craindre des massacres de Hutus par les Tutsis. Non, le président pense à l'ONU, puisque désormais l'Ouganda est entré officiellement dans le jeu. Et effectivement, le Conseil de sécurité adopte une résolution prévoyant le déploiement d'une force de contrôle. Une force qui remplacerait les troupes françaises ? C'est cela. Toutefois, le FPR desserre son étreinte. Et les belligérants retournent à la table de négociation, toujours à Arusha. Ouais. Un nouvel accord est conclu. Oui, en août 1993. Cet accord prévoit la transition démocratique, la fusion des deux armées belligérantes au sein d'une armée nationale et l'envoi sur place de forces de l'ONU. Ce sera la MINUAR, mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, et elle comprendra 2500 hommes. Mais les troupes françaises alors ? Elles quitteront le Rwanda dès que les troupes de l'ONU débarqueront. Seuls resteront officiellement quelques conseillers militaires. Ouais. Les soldats français ne seront donc pas intégrés dans les casques bleus hein. Non, Mitterrand ne le veut pas. Mais il faut nuancer. La rumeur veut que certains soldats français sont demeurés là-bas, discrètement bien sûr, et en civil. Et Paris ne pouvait pas l'ignorer. C'est certain. De même qu'il est difficile d'ignorer que malgré l'accord d'Arusha, des armes continuent à parvenir au tout de l'armée rwandaise et des milices. Clandestinement ? Naturellement. Mmh. Et ce sont malheureusement souvent des Français qui sont à l'origine de ces livraisons. Quelles sont les réelles responsabilités françaises ? En 2008, le rapport d'une commission de juristes rwandais est rendu public. Il est accablant, extrait. Attribuant au président Mitterrand un parti pris anti-Tutsi, les auteurs expliquent son engagement croissant par sa volonté d'endiguer l'influence du monde anglophone. Les Tutsis du FPR sont anglophones, et de montrer aux autres présidents africains, amis de la France, que Paris ne laisse pas tomber ses alliés. Concrètement, le rapport Mussio accuse la France d'avoir formé les milices interahamwées qui ont été le fer de lance du génocide. Les Français nous disaient que l'ennemi était le Tutsi, affirme un ancien membre de la milice Hutu, qui dit avoir été formé par des militaires français. Les Français ont formé des gens qui ont été utilisés pour tuer, martèle un ancien militaire rwandais auditionné par la commission. Omniprésents, les Français auraient engagé dès 1992 des programmes de défense civile alliant l'apprentissage de différentes méthodes d'assassinat et un endoctrinement des miliciens à la haine ethnique. Il faut quand même observer que ce rapport a été publié au moment où les relations entre le Rwanda et la France étaient exécrables. À la fin de l'année 93, on note un peu partout dans le pays que se sont constitués des groupes d'autodéfense Hutu qui reçoivent des armes neuves, machettes, fusils d'assaut, grenades. D'autre part, la tristement célèbre radio des Mille Collines ne cesse de lancer sur ses ondes des appels à la haine contre les Tutsis et à l'extermination de l'ennemi intérieur. On peut donc penser que le calme qui a suivi les accords d'Arusha est précaire. C'est ce que pensent tous les observateurs sérieux. Car les extrémistes Hutu et tous ces miliciens qui ont souvent été formés par la France, il faut le rappeler, n'acceptent pas les accords d'Arusha. Et ils en veulent au président Habyarimana qui les a signés. Ouais, ça explique l'attentat dont il va être victime ? C'est une des hypothèses les plus sérieuses, oui. Ces Hutus considèrent en effet qu'à Arusha, le président rwandais a capitulé devant les Tutsis. Ouais, c'est donc un traître. Pour les Hutus extrémistes, très certainement. Or, quelques-uns de ces hommes se trouvent dans l'entourage même du président Habyarimana. Sa femme, par exemple, est très hostile aux accords d'Arusha. Et l'un de ses cousins, un nommé Bagosora, qui occupe un poste important au ministère de la Défense, et sera même considéré plus tard comme le cerveau du génocide, a abandonné le siège des négociations d'Arusha en clamant « Je rentre pour préparer l'apocalypse ». Le génocide ? On peut le comprendre ainsi. Il faut observer que l'avion présidentiel sera attaqué alors que Habyarimana revient justement d'Arusha, où les accords de paix ont été entérinés. Et donc le partage des pouvoirs entre Hutu et Tutsi. Oui. Ouais. Par conséquent, tuer le président, c'était le meilleur moyen de saboter les accords. Hein. Bah, si l'on cherche des mobiles, on ne peut pas non plus exclure le FPR. Mais les Tutsi. Habyarimana était, si je puis dire, leur ennemi naturel, celui qui les combattait avec férocité depuis 1990 et qui avait couvert et même encouragé personnellement les massacres de Tutsi. Oui, mais le récent accord là, conclu en Tanzanie leur était plutôt favorable puisque le FPR allait entrer au gouvernement. C'est exact. Mais on peut imaginer que les dirigeants du FPR en voulaient encore plus. Ouais, tout le pouvoir. Pourquoi pas? C'était pourtant déraisonnable puisqu'ils étaient largement minoritaires dans le pays. Alors, en tout cas, c'est justement l'assassinat de Habyarimana hein, qui va être le point de départ d'un nouveau massacre de Tutsi. Et leurs dirigeants connaissaient certainement la menace qui pesait sur la population Tutsi. Par conséquent, en tuant Habyarimana, ils prenaient le risque insensé de provoquer des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts parmi leur propre camp. Donc vous n'y croyez pas? Je n'y arrive pas. Parce que les Tutsi, déjà fortement minoritaires, risquaient tout simplement d'être éliminés en totalité. C'était d'ailleurs la solution finale envisagée par les Hutus les plus ultras. Leur façon à eux de régler une fois pour toutes la pseudo-question ethnique. Oui, parce que vous pensez-vous que la rivalité entre Tutsi et Hutu a été artificiellement créée par le colonisateur belge hein? Oui, mais je n'y reviens pas car je vous ai expliqué cela autrefois. En tout cas, pendant des années, la question de l'identité des assassins du président Habyarimana reste pendante. Pour les Hutus, ce sont les Tutsis. Et vice-versa. Bien sûr. Et puis, que pèse cet attentat au cours duquel une dizaine de personnes ont trouvé la mort face aux centaines de milliers de victimes du génocide? Ouais. Et là encore, il s'est dit beaucoup de choses sur les responsabilités françaises. Et l'attitude de nos soldats au cours de l'opération turquoise. Bah, si vous le voulez bien, j'y consacrerai un prochain entretien, car l'une de vos consoeurs de France Culture, Laure de Vulpian, vient de publier un livre remarquable sur ce point épineux. Donc, pour revenir à l'attentat qui a causé la mort de Habyarimana, pendant plusieurs années, on ne progresse guère. Mais en 1997, la fille de l'un des pilotes du Falcon présidentiel porte plainte contre X. L'équipage était composé hein, de militaires français. Ouais. Trois hommes, oui. Ouais. La justice française est donc saisie. Et le chef de la section antiterroriste est chargé de l'instruction. Ouais, c'est le juge Bruguière. Un point important d'abord. Le magistrat ne se donnera jamais la peine de se rendre au Rwanda sur les lieux de l'attentat. Ouais, près de l'aéroport de Kigali, puisque l'avion a été touché alors qu'il allait atterrir. Et cela lui sera naturellement reproché au juge. Hein. Ouais. Oui, autre observation. Il semble bien que son instruction n'ait été conduite que dans une seule direction. Établir la culpabilité du FPR et de son chef devenu le président du Rwanda, Paul Kagame. Vous avez des exemples hein? Oh, ils sont nombreux. Bruguière va entendre des témoins Hutus pour la plupart, mais qui se rétracteront plus tard. Autre chose, l'une des principales preuves à charge contre le FPR lui est fournie par un opérateur radio, un certain Richard Mugenzi. Ce militaire, chargé d'écouter l'ennemi Tutsi, aurait reçu au matin du 7 avril 1994... Le lendemain matin suivant l'attentat. C'est ça, oui. Ouais. Et alors que les massacres ont commencé. Donc, cet opérateur radio aurait capté 4 messages émis par le commandement du FPR. Messages qui saluaient le succès des assassins du tyran Habyarimana. Pour Bruguière, c'est accablant. Or, Mugenzi avouera ensuite que ces messages ont été en réalité glissés dans sa livraison quotidienne de documents par son chef. Et Mugenzi, confus, d'expliquer que cela faisait partie de la guerre psychologique. Ouais, des pures inventions, donc. En effet. Autre fait troublant, la curieuse attitude du juge envers notre célèbre capitaine Baril. Baril qui, en avril 1994, se trouvait au Rwanda. Hein. Le juge a omis de lui demander vraiment ce qu'il y faisait, comme il a négligé de s'intéresser à son emploi du temps le 6 avril 1994. Et je vais revenir plus longuement sur ce point précis. Mais il y a encore plus étonnant. L'ex-gendarme, je vous l'ai dit, était très lié au régime Hutu, avec lequel il a passé plusieurs contrats. De quel ordre, ces contrats? Mission de renseignement, livraison d'armes et de munitions, sécurité du président Habyarimana et réorganisation de la garde présidentielle. Et même fourniture de mercenaires. Et autant vous le dire tout de suite, c'est le point le plus troublant, vous verrez pourquoi. Baril était donc une sorte d'employé de luxe du pouvoir rwandais. de luxe parce qu'il se faisait payer très très cher. Plus intéressant encore, Baril, nom de code Bravo, était le correspondant d'un espion rwandais établi en Suisse sous couverture diplomatique, Fabien Singaye. Qui est ce type-là? C'est un agent de renseignement influent dans les cercles du pouvoir à Kigali. Son beau-père sera, par exemple, l'un des financiers du génocide. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Singaye, là, était l'officier traitant de Baril? Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais il est certain que Baril, dès qu'il le pouvait, informait Singaye, par exemple. Il lui fournissait des renseignements qu'il tenait de son mentor, François de Grossouvre, qui, malgré sa relative disgrâce, avait toujours ses entrées à l'Élysée. Ouais, Grossouvre qui, si je ne me trompe, s'est suicidé le lendemain de la mort du président Habyarimana. C'est exact. Mais il faut se garder de voir un rapport entre les deux événements. Ah ouais. Coïncidence. Je le crois, mais il est vrai que c'est troublant. Alors, je poursuis. Au cours de l'été 1994, Singaye est déclaré persona non grata en Suisse. À cause du génocide commis par les siens. Cependant, très curieusement, il obtient un titre de séjour français. Ah ouais. Baril lui aurait donné un petit coup de main? Je ne sais pas, mais les deux hommes continuent à se voir. Singaye navigue dans les eaux troubles de la France-Afrique. Ouais, il fait des affaires, quoi. C'est ça, avec Areva en particulier, en République centrafricaine. Ouais, l'uranium. Oui, mais en 2002, grâce à son ami Baril, il devient expert et interprète au service du juge Bruguière. Ouais, un proche des génocidaires, collaborateur de la justice française. C'est la vérité. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Dans la revue 21, Jean-Pierre Perrin a publié un article très documenté sur les activités du capitaine Baril au Rwanda. Dans ce passage, le journaliste explique que l'ex-gendarme arrivant au Rwanda a découvert qu'il existait là-bas plusieurs clans rivaux au sommet du pouvoir. D'emblée, écrit Perrin, Baril se lie avec le plus fort, celui de Madame, soit la belle famille du président. Ce clan appelé Akazu, petite maison, rassemble autour d'elle le noyau dur des extrémistes dont le secrétaire particulier du président est le supérieur de Fabien Singaye. Aux yeux du clan, le président rwandais est un modéré. Malgré son physique de rustre, c'était quelqu'un de relativement éclairé, assez présentable, qui a fasciné François Mitterrand quand ils se sont rencontrés. C'était aussi un homme plutôt honnête, sans doute le seul chef d'État africain à avoir ordonné à ses ministres de voyager en classe économique. Mais, malgré son regard de saint, il pouvait être aussi un tueur, résume un africaniste français. Le gendarme a saisi que le président est en perte de vitesse. Il comprend aussi qu'ils sont nombreux dans son entourage à vouloir sa perte. Il s'allie donc à son épouse, Agathe Habyarimana, et se rapproche d'elle dans la période précédant le génocide. Est-ce Baril là, qui a permis à ce Singaye d'approcher Bruguière? Et même de travailler pour lui dans l'instruction du dossier rwandais. Alors oui. Oui, c'est Baril qui est derrière. Baril qui a dû brosser un portrait édifiant de son compère rwandais. Et Bruguière a marché. Bon, le juge avait une grande confiance dans la gendarmerie. Et donc dans Baril, fils et petit-fils de gendarme. Ah oui, je vois. Et quelles sont les conséquences de l'irruption de ce Singaillé auprès du juge Bruguière? Ah, elles sont importantes. D'une part, Singaillé, comme le capitaine lui-même, est un partisan acharné de la culpabilité du FPR dans la mort du président. Oui, parce que ça les arrange bien. Bon, ça, c'est une autre chose. D'autre part, outre sa fonction d'expert, Singaillé est aussi traducteur. Et certains témoins rwandais, entendus dans leur langue maternelle, ne reconnaîtront pas leurs propos dans les PV qu'ils liront ultérieurement. Un trucage, une fois de plus. Bah, quoi qu'il en soit, en 2006, le juge Bruguière clôt son instruction. Pour lui, il n'y a aucun doute, le missile qui a provoqué l'explosion du Falcon d'Abiarimana a été tiré par les Tutsis. Ouais. Les Tutsis qui sont donc les premiers responsables des horreurs qui vont s'en suivre. Oui, ça arrange bien les autorités militaires françaises et surtout les dirigeants de l'époque. Bruguière demande par conséquent l'inculpation de plusieurs dignitaires du FPR, dont le président Kagame, même si celui-ci en tant que chef d'État ne peut être poursuivi. La suite est prévisible. Indignés, les autorités rwandaises rompent avec la France. Oui, je crois me souvenir que c'est Kouchner, un ministre des Affaires étrangères de Sarkozy, qui, si j'ose dire, raccrochera les wagons à Rwanda. Enfin, ouais, non, sans mal. Entre-temps, en 2008, les Rwandais rendent public un rapport établi par une commission indépendante de juristes qui accable l'armée française. Ouais, réponse du berger à la bergère. On peut le penser, même si ce rapport est étayé par de nombreux témoignages dont beaucoup semblent incontestables. La même année, se produit un curieux événement qui va permettre de relancer la machine judiciaire. Si curieux même qu'on se demande s'il n'y a pas eu connivence entre les Français et les Rwandais. Oui, rappelez-moi, alors cet événement, c'est quoi? L'arrestation à Francfort, puis l'extradition vers la France de Rose Kabuye, important membre du pouvoir rwandais, et l'un des personnages visés par Bruguière. Bon, je passe les détails, mais ça a deux conséquences. La première, c'est que les autorités rwandaises vont avoir accès au dossier judiciaire. Et la deuxième, c'est qu'un nouveau juge d'instruction va être nommé. Oui, ce sera Marc Trévidic, hein, qui appartient lui aussi au pôle antiterroriste. Et qui a succédé à Bruguière, parti à la retraite pour entrer sans succès en politique. Ouais. Trévidic rouvre donc la procédure. Et à la différence de son prédécesseur, il instruit sans préjugés. Et surtout, lui se rend au Rwanda afin d'opérer une reconstitution. Je vous explique. Le point essentiel, c'est de déterminer l'endroit exact d'où ont été tirés les deux missiles. Si c'est sur la colline de Masaka, le FPR est coupable. Si c'est dans l'enceinte du camp de Kanombe, ce sont des militaires de l'armée rwandaise. Mais soyez plus précis, là. À Masaka se trouve un détachement FPR, tandis que le camp de Kanombe, à proximité de la résidence présidentielle, est strictement gardé par l'armée. L'armée Hutu, oui. Donc. Le juge Trévidic n'est pas venu tout seul au Rwanda. Des experts, géomètres, acousticiens, spécialistes en aéronautique l'accompagnent. Il entend aussi des témoins qui ne l'avaient jamais été. Par exemple, un officier français qui résidait dans le camp de Kanombe ainsi qu'un médecin. Deux hommes qui ont non seulement vu les deux missiles en l'air, mais aussi perçu le souffle de leur départ. Ah oui, pour cela, il fallait se trouver assez près. Naturellement. Ensuite, il y a les observations géographiques et celles qui ont été pratiquées sur les débris du Falcon. Le missile qui a provoqué son explosion en vol l'a touché à gauche. C'est important? Oui, parce que si le tir avait été opéré depuis Masaka, l'appareil aurait été touché derrière. Bref, en tenant compte de toutes ces données, le juge estime que les projectiles ont été tirés depuis le camp de Kanombe. Conclusion, comme ce camp était contrôlé par l'armée et qu'il paraît difficile de franchir sa clôture en portant deux missiles et leurs tubes mesurant près de 2 mètres, le tir a été effectué avec au minimum la complicité ou la complaisance de militaires rwandais. Des conclusions qui infirment donc celles du juge Bruguière. Hein. Absolument. Mais ça ne permet quand même pas de déterminer l'identité exacte des hommes qui ont tiré les missiles. Vous avez raison. Et ici, il faut évoquer une donnée que tout le monde tenait jusque-là pour acquise. Dans l'armée rwandaise, personne n'était formé pour utiliser une arme aussi sophistiquée. Et d'autre part, les forces régulières n'étaient pas dotées de ce genre d'armement. Par contre, le FPR disposait de missiles vendus par son allié ougandais. des armes d'origine russe, saisies puis vendues à l'issue de la guerre du Golfe. On a parlé de fusées SAM. Hein. Et Baril, encore lui, aurait retrouvé les tubes à Massaka. Mais depuis, ils auraient disparu. Oui, il a aussi prétendu avoir retrouvé la boîte noire du Falcon. Enfin, c'est ce qu'il a déclaré sur un plateau de télévision dès juin 1994. Mais c'était complètement bidon. Alors, en ce qui concerne les tubes, on peut avoir des doutes. D'autre part, en juin 2012, on a fait un peu, par hasard, une importante découverte. Dans des archives de l'ONU, une journaliste britannique a dégoté une liste des armes dont disposait l'armée rwandaise. Surprise, il s'y trouvait plusieurs missiles solaires, dont des engins français Roland, pourtant interdits d'exportation. Et ça permet de se poser quelques questions très embarrassantes. Ah ben ça, je ne vous le fais pas dire. Et ça vient conforter le dossier du juge Trévidic. D'accord, mais vous m'avez dit qu'il était communément admis que les militaires rwandais n'étaient pas formés pour utiliser ces armes, là, les missiles. Ah ben, c'est ce qui reste à confirmer. Mais quelqu'un, ou plutôt quelques-uns, auraient pu leur donner un coup de main. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la première fois que nous avons parlé du Rwanda. Le soir de l'attentat, des blancs ont été aperçus par plusieurs témoins dans un véhicule à proximité du lieu probable où ont été tirés les missiles. Or, ils avaient l'air très pressés. Des mercenaires ? Pourquoi pas ? Il existe de nombreux témoignages faisant état de la présence de mercenaires au Rwanda avant et après le génocide. Or, il est acquis que Baril, toujours lui, a recruté des mercenaires à la demande du pouvoir rwandais. Il ne s'en est d'ailleurs pas caché. Alors vous pensez que ces hommes-là, embauchés par l'ex-gendarme du GIGN, auraient pu être ceux qui ont tiré les missiles qui ont détruit le Falcon ? Je m'interroge, car c'est un point qui n'a toujours pas été éclairci. Comme on peut s'interroger sur les faits et gestes de Baril le 6 avril 1994. Où était-il ? Là encore, puisqu'on l'a vu avant et après, au Rwanda, se trouvait-il à Kigali ? Bruguière ne lui a jamais posé la question. Mais je ne doute pas que le juge Trévidic se montrera plus curieux. Un dernier point, et ça n'est pas le moins important. Je vous écoute. Au Rwanda, où Baril a été très actif, agissait-il en service commandé ? Vous voulez dire au service de la France ? Oui, c'est bien ce que je voulais dire. Et Baril a laissé entendre qu'il remplissait là-bas une mission non officielle. Pour ma part, je n'en sais rien. Mais je note qu'en juin 1994, soit 3 mois après le début du génocide, Baril a été élevé au grade de commandant de réserve. Ça ressemble à une récompense, non ? Pour être tout à fait complet, je dois dire qu'en octobre 2011, un ex-bras droit de Paul Kagame a accusé son chef de l'époque d'avoir perpétré l'attentat qui a coûté la vie au président Abia Rimana. Mais cet homme est passé dans l'opposition. Il est donc permis de douter de sa sincérité. À samedi prochain, a signalé en 2009 sur le site de France Inter le dossier très complet de mon confrère Benoît Colomba sur les mercenaires français au Rwanda. Toutes les références sur le site de Rendez-vous avec X. Nous parlerons encore du Rwanda et des accusations qui pèsent sur certains éléments de l'armée française engagée dans l'opération humanitaire turquoise plusieurs semaines après le génocide. Franceinter.fr, un site qui vous permet de communiquer avec nous. Ce programme a été préparé par Rebecca de Nantes, réalisé par Michel Billou et mis en musique par Monsieur Djoub. Tout de suite après le flash, c'est Au Dieu mon amour de Denis Chessou.